Pour la première fois, il leur fut donné d'admirer le ménure, c'est l'oiseau lyre dont l'appendice caudal figure le gracieux instrument d'Orphée. Cependant, Lord Glenarvan écoutait le récit des jeunes gentlemen. C'était celle de ces jeunes Anglais, intelligents et industrieux, qui ne croient pas que la richesse dispense du travail. Ils choisirent en Australie la colonie Victoria pour y semer les banknotes paternelles. Ils n'eurent pas lieu de s'en repentir. Au bout de 3 ans, l'établissement prospérait. Les deux jeunes gens étaient squatters, éleveurs, et settlers, agriculteurs, tout à la fois. Ils administraient avec une rare habileté et, ce qui est plus difficile, avec une énergie peu commune, leur immense propriété. Plusieurs millions d'animaux s'engraissaient dans les verdoyants pâturages. L'habitation était une charmante maison de bois et de briques enfouie sous des bouquets d'hémérophilis. Les portes de l'habitation s'ouvrirent et les hôtes d'Otham Station pénétrèrent dans les somptueux appartements. Tout le luxe de la vie artiste et fashionable s'offrit à leurs yeux. Mine rien, chers et délicats, prouvaient une suprême entente des arts et du confort. On se serait cru dans quelque château princier de France ou d'Angleterre.